femme sur Deezer. Devant la nourriture, j'ai des puces en salade. Je ne rêve que de bouffe, je ne rêve pas de palace. Avant, j'avais une femme à mes côtés, mais je l'ai oubliée super vite. Je me rappelle des plats qu'elle me concoctait. Je m'en bats les couilles depuis que j'ai trouvé Uber Eats. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie, enfin mon palais pour être plus précis. Y'a pas une seule cuisine que je n'ai pas goûté. 2500 calories juste pour le goûter. Un beau repas, c'est un plat qui m'empêche de bouger. Genre, tu ne peux plus rien toucher. Genre, un carreau crochet droit, tu percutes de Joshua. Genre, tu dois juste te coucher. Je mange quand j'ai faim, je mange quand j'ai froid. C'est moi juste pour me nourrir. Je mange quand je suis bien, je mange quand je suis mal. Donc, j'ai pas le temps d'aller courir. Et si manger était un art, je serais sûrement le champion du monde. Si j'ai un truc à dire avant que je pars, mettez aussi des pizzas dans ma tombe. C'est plus en vente, c'est une déchiqueteuse. Je devrais donner mon corps à la science. Faudra me payer en bouffe, je pense. Les résultats sont sur minuteuse. Plus je parle et plus j'ai la dalle, dalle, dalle. Quand je kiffe un truc, je le vomis, puis le ravale, val, val.